Bonsoir. Bienvenue au Centre de l'Universalité à la conférence de Daniel Kem du 2 novembre intitulée « L'état de choc ». Bonsoir Daniel. Bonsoir Michel. L'état de choc, qu'est-ce qu'on pourrait dire à proprement parler ce que ça veut dire? Puis est-ce que le choc comme tel, ce serait un manque de connaissance des gens vu qu'ils réagissent au point de vue émotif, psychologique et parfois d'autres façons, qu'est-ce que ça voudrait dire que ces gens-là réagissent ainsi face à un choc? Bon, premièrement, les états de choc, disons qu'il y a plusieurs niveaux de choc. Il y a, pour un individu, pour la masse, pour les individus, chacun vont vivre des chocs différents, chocs qui vont être plus ou moins importants, dépendant de l'importance justement qu'ils vont attacher à l'anti-choc. C'est-à-dire, si tu vis un choc, toi, c'est parce qu'il se passe quelque chose dans ta vie que tu ne voulais pas, quelque chose qui était imprévu, quelque chose qui était interdit. Bon, maintenant, dépendant de l'importance que toi, tu vas attacher de par ta psychologie à la réalisation d'une chose, justement, qui n'est pas réalisée, donc tu vas vivre un choc, ça va déterminer l'étendue ou encore la gravité, l'énergie que ce choc-là va pouvoir opérer sur toi. Maintenant, les états de choc de la population sont en réalité qu'un seul choc. Bon, les individus vont penser vivre différents états de choc. Ils ne vivent qu'un seul choc. Choc qu'ils vont répéter et répéter continuellement parce qu'ils ne comprennent pas, premièrement, ce qu'est un choc. Ils ne comprennent pas non plus la cause fondamentale de leur état de choc. Ils ne comprennent pas du tout non plus les interrelations qu'il va y avoir entre la population, donc entre la masse, entre l'extérieur et leur intérieur psychologique. Ça, c'est un choc. Mais c'est pas, même pas là encore les états de choc, en tout cas ceux qui m'intéressent justement. Vois-tu, les états de choc, c'est quoi? Premièrement, le choc même. On regarde, on a un choc du futur. Ça, c'est un état de choc. Bon, le choc du futur, c'est un état qui regarde la masse dans sa totalité et dans son individualité. Mais ça ne regarde pas ce que l'individu va vivre par rapport à lui-même. Alors, l'individu qui n'arrive pas à comprendre l'informatique, malgré que ses enfants l'apprennent à l'école, lui va vivre un peu ce qu'on pourrait appeler le choc du futur. Mais par rapport à lui-même, il ne vit qu'un choc parmi tant d'autres chocs qu'il a vécu depuis qu'il a mis des enfants au monde, depuis que la société se transforme, depuis que lui refuse l'adaptation à la transformation, justement. Mais cet état de choc-là, lui, en voit un. Il en voit des millions au courant de sa vie. Ces millions de chocs-là ne sont, en fin de compte, qu'un seul choc. Et si l'individu arrive à pouvoir cerner le choc d'où il vient, son origine, sa continuité, son aboutissement, l'individu règle tous les chocs qui vont être reliés, du moins, à l'adaptation négative de sa psychologie sur une réalité. Alors, l'individu essaie continuellement d'expliquer le présent à partir de ses mémoires. Donc, l'individu essaie continuellement, à partir du passé, d'expliquer son présent. Et ça, ça va automatiquement créer un refus, un refoulement, une négation de la réalité, parce que tu veux toujours l'interpréter à partir du passé, donc de tes mémoires, de ton expérience, de ton éducation. Mais encore là, ce n'est pas là l'origine du choc chez l'être humain. Un choc réel qui n'est pas tout à fait un choc du futur dans le sens technologique du terme, c'est ce que les jeunes vivent présentement. Si on regarde la jeunesse de notre masse, ce qu'elle vit, et là encore, c'est une expression du choc. Choc sur lequel on va pouvoir revenir. Les jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont suffisamment d'intelligence mentale. Donc, non soumises à leur affinité psychologique, donc à leur émotivité astrale, ils ont suffisamment d'intelligence pour ne plus souffrir ou pour moins souffrir de l'extérieur. Évidemment, certains jeunes vont souffrir énormément de l'extérieur, comme on ne l'a jamais souffert nous, parce que justement, ils se rendent compte de la futilité de l'extérieur. Alors, ce qui fait que si tu donnes un jouet à un jeune, là je te parle des adolescents, tu leur donnes quelque chose, ils sont contents. Deux semaines après, ou deux heures après, ou immédiatement après, ils n'en veulent plus. Ou encore, ils sont contents, mais s'ils le brisent, ben, c'est pas grave. Alors, ce qui fait que les adultes vont rechercher à enseigner à l'adolescence le respect. respect des traditions, respect des fondements sociétaires, respect même de la matérialité de notre société. Respecter le char que je te prête, mais toi, tu vas rouler comme un fou avec, tu vas faire sauter le moteur, tu vas avoir un accident avec, mais c'est pas grave. C'est jamais grave parce que, premièrement, c'est pas de ta faute. Hein? Ça, c'est disons, l'intelligence de notre jeunesse, de notre société. Tu veux les faire travailler, ben ça leur tente pas. Et puis en plus, à quoi bon? Alors, ils sont rendus dans un état extrême d'évolution où les événements extérieurs n'ont presque plus, je dis bien presque plus, ils en ont encore, mais presque plus d'influence sur leur état d'expression dans la réalité. Par contre, ils n'ont pas suffisamment d'intelligence pour pouvoir voir l'intelligence de la continuité des choses qu'on leur donne. Je m'explique un peu plus clairement. Tu bâtis un village que tu vas donner à des jeunes. Tu bâtis un village avec des maisons extraordinaires, avec une technologie qui va permettre à ces jeunes-là de ne plus être dépendants des besoins matériels humains. Donc, ils vont être capables de pouvoir pousser leurs expériences dans leur psychologie astrale, dans leur contexte mental, dans leur vécu physique ou énergétique vital, à un summum. Mais ces jeunes-là ne le feront pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont bien voir qu'ils sont bien dans le village que tu leur donnes. Tu leur donnes ça. Ils comprennent toute la technologie du village. Ils comprennent toute l'utilité. Ils comprennent l'intelligence du village. Par contre, ils n'auront pas suffisamment d'énergie intentionnelle à exprimer, donc d'énergie créatrice. Ils n'auront pas suffisamment d'intelligence pour voir à ce que ce cadre-là se poursuive dans le temps. Tout simplement parce qu'ils ne l'ont pas créé eux-mêmes. Même pas. Ils ne le créeront pas, ils n'en sont pas capables. Ils ne sont capables que de ne pas souffrir si le cadre ne leur est pas donné ou si le cadre est détruit. Alors ce village, tu vois, d'un cadre extraordinaire, c'est merveilleux. Il y a une maison qui commence à couler, il y a une fuite d'eau. Ils ne seront pas capables d'envisager une réparation intelligente à long terme. Ils vont envisager des réparations palliatives à court terme. Alors, une maison brûle, ben c'est pas grave, on va vivre en communauté dans une autre maison, vu qu'il y a plusieurs maisons. Ça, ils vont s'en accommoder parce qu'ils ne souffriront pas de la transformation du cadre extérieur, même si elle est involutive. Eux autres vont avoir suffisamment d'intelligence pour intellectualiser l'événement, pour ne pas avoir à en souffrir, ils vont s'adapter. Et on l'a déjà vu, l'adaptation faite par le mental est le pire handicap dans l'évolution de l'homme. L'homme mental doit refuser à tout prix l'adaptation. La psychologie émotive doit s'adapter parce qu'elle ne peut faire autrement que de s'adapter, sinon elle souffre. Hein? Si un événement ne va pas comme ta psychologie émotive le veut, l'événement va quand même être ce qu'il est. Toi, tu vas souffrir ou t'adapter. Là, ça va. Mais ta psychologie mentale, c'est-à-dire ton énergie mentale, lui, ne doit pas s'adapter. Alors, si on t'amène une réalité, mais entre la réalité et l'expression de la réalité, il n'y a pas une démocratie, il n'y a pas une diplomatie. Il y a la réalité et il y a le mensonge. Ça, c'est le mental. Le mental ne doit pas s'adapter à un phénomène non véridique ou non logique. Les maisons pourrissent, le mental ne doit pas s'adapter à ça. Le mental doit voir les conséquences, ce que la psychologie ne peut pas faire. La psychologie ne va voir que des conséquences qui vont lui nuire à sa propre expression. Mais si ça ne nuit pas à son expressivité, il n'y a pas de danger dans la conséquence. Alors, le jeune voit l'intelligence d'un lac pur. Mais si son expressivité psychologique pollue le lac, ben c'est pas grave parce qu'il va être capable de s'adapter à un lac pollué. Il va même être capable de s'adapter à plus de lac du tout. Il ne souffrira pas. Il est plus intelligent que l'air du poisson, il est plus intelligent que ses pères et ses mères. Mais il est en train de ramener l'humanité à l'époque de l'homme des cavernes. Pourquoi? Parce qu'à la longue, s'adaptant et psychologiquement et mentalement, il a suffisamment d'intelligence pour voir la manipulation de l'extérieur sur ses souffrances. Donc, il va être capable de refuser d'être manipulé. Mais il n'aura pas suffisamment d'intelligence pour manipuler l'extérieur dans un but intelligent. Alors, ce qui va arriver, c'est que ton village s'autodétruit lentement parce que toi, tu es morte. Les constructeurs sont morts. Les jeunes vont s'adapter. Ils ne souffriront plus, ce qui est déjà une expression de l'évolution humaine. Il n'y a plus de souffrance. Mais les enfants de nos enfants, quand ils vont naître dans un cadre dégueulasse, dans un cadre pourri. Pourri, pas dans le sens psychologique, dans le sens matériel. Les autos vont être rouillées. Les jeunes, ben, c'est pas grave. Si j'ai plus d'auto, je marche, je fais du pouce. Ils ne souffrent plus le cadre extérieur. Par contre, ils ne peuvent plus le transformer en vue de pouvoir bâtir un cadre supérieur. Alors, ce qui va arriver, c'est que si tu laisses un village entre les mains de ces enfants-là, ils vont être capables de vivre à l'intérieur. Et dans 3 générations d'ici, c'est des hommes des cavernes qu'on va découvrir parce que les cadres vont être détruits, parce qu'eux ne souffriront pas de voir le cadre détruit. Un apocalypse, c'est pas grave, mais aller vivre dans le bois. On va être malheureux? Non. Alors, c'est vrai, ils ne seront pas malheureux. Mais une fois que tout ça est fait, tu fais quoi? Ben, rien, moi, je veux dire, je mange mes fraises de temps en temps, je suis bien. Je ne sais pas pourquoi faudrait que je m'en fasse. Alors, là, ils ont raison. Mais dans 3 ans d'ici, ou dans 3 générations d'ici plutôt, il faut refaire tout le schéma évolutif de la planète. Parce que ces enfants-là, rendus à un summum, ils ont été justement à un summum où on avait le choix entre l'évolution et l'involution. Ça, c'est un état de choc vécu par la population de la planète. Le risque de se remettre à involuer. Parce qu'on parle d'une guerre qui purifie. C'est évident que la guerre purifie. Parce que la paix, c'est un état de choc populaire. La paix, c'est un état de choc réel, un choc désastreux chez l'être humain. Parce que la paix n'est pas le résultat d'une expressivité de l'intelligence de l'homme. C'est le résultat d'une expressivité de sa psychologie. L'homme est tanné de la guerre, il crée la paix. L'homme est tanné de la paix, il crée la guerre. L'homme est tanné de la guerre, il crée la paix. L'homme a peur de perdre sa paix, il prépare la guerre. Et l'homme a suffisamment peur de perdre la paix qu'il va automatiquement détruire ce qui risque d'annihiler sa paix. Donc l'homme, par ce processus, entre en guerre contre un ennemi fictif, un ennemi potentiel, et il exprime lui-même là la désillusion de son état psychologique non intelligent, et l'homme entre en guerre. L'homme a peur, alors l'homme prend la base de sa possibilité mentale, l'intellect qui est le mental naissant et qui reste soumis à la psychologie. L'homme prend cette forme d'énergie mentale et s'en sert pour assouvir son expressivité psychologique, ses peurs, ses craintes ou ses désirs. Bon, mais là, l'homme vit un état de choc quand l'homme est en paix. Parce que l'homme en paix fait quoi? L'homme en paix essaie d'oublier la guerre, l'homme de masse. Je ne parle pas des dirigeants, je parle de l'homme de la masse. Et qu'est-ce que la société amène à une société en paix? Elle amène à cet homme-là la possibilité de perdre son raffinement sensoriel, la possibilité de se remettre entre les mains d'une société protectrice. Donc, de cet homme qui est rendu au summum de l'animal, qui peut maintenant passer à l'être humain, mental, ou du moins psychologique, mais psychologique, c'est son problème, donc passer à l'être humain mental, il ne le fera pas. Pourquoi? Parce que pendant la paix, pendant cet état de choc que l'homme appelle la paix, l'être humain qui se dirige vers une mentalisation, ou vers une intellectualisation, ou vers une expression plus grandissante de ses phénomènes psychologiques, cet être-là perd le contact qu'il a avec l'idée même de la survie. Perdant le contact intelligent avec l'idée même de la survie pendant la paix, cet être-là, s'il y a guerre, devient un animal pire que les animaux. Il sera capable de tuer sans réfléchir, ce qu'un animal ne fera pas. L'animal va tuer si besoin est. L'homme va tuer devançant les besoins, au cas. Et l'homme va tuer d'une façon tellement désastreuse qu'il va même tuer sans conséquence. Alors, je vais tuer la vache du coin, je vais la manger, j'ai faim. Mais cette vache-là était enceinte, c'est pas grave. Mais le veau, tu aurais pu repartir une espèce d'élevage. Pour l'instant, j'ai faim. Tu n'auras pas de lait. Pour l'instant, j'ai faim. Tu ne penses même pas, tu tues. Parce que tu étais en paix. Et l'homme en paix qui arrive en guerre est pire que la pire des races des animaux qui vont se battre. Parce que cet homme-là n'est pas préparé à la guerre. Être préparé à la guerre, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas avoir peur de la guerre. Ça veut dire ne pas avoir peur de perdre la paix. Ça veut dire être en paix. Et être en paix, tu l'es dans un état de guerre ou dans un état de paix. Présentement, est-ce que l'être qui vit dans une société en paix est en paix? Il n'est pas en paix parce qu'il ne sait même pas détecter chez un individu qu'il rencontre un individu belligérant ou d'un individu pacifiste. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il est en paix. Et étant en paix, il a été détruit par la paix. Et ça, c'est un état de choc, la paix, qui... À l'insu de la masse, à l'insu de la population pacifique, pacifique tant qu'on ne brime pas ses lois, parce que sinon, tant qu'on ne brime pas son expressivité, sinon elle devient guerrière de suite. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que ces individus-là perdent tout le fondement même de leur perception au niveau de la guerre. Tu dois être un guerrier à 100% n'importe quand pour pouvoir te dire en paix. L'individu non violent qui ne sait pas se battre, qui ne peut pas psychologiquement se battre, ne se bat pas. Même si on lui saute dessus, il mange une volée et il ne se bat pas. Pour ne pas se sentir minable, il va rentrer dans le clan des non-violents. Mais il ne peut être non-violent que le guerrier qui refuse de se battre, pas l'individu qui ne peut se battre. Alors, la paix, c'est un état de choc. La guerre, c'est un état de choc aussi. Tout ça ensemble, c'est le même état de choc. La paix présente ne peut faire qu'engendrer une guerre. Une guerre qui n'a comme but que d'amener la paix. C'est ça qui est terrible. Notre paix ne peut engendrer qu'une guerre qui aura comme but d'amener la paix. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Parce qu'il y a chez l'être humain un état de choc inconscient qui se vit. Cet état de choc-là, c'est simplement la rencontre d'énergie ascendante, donc évolutive, évolutionnaire, avec des énergies descendantes, donc involutives. Les énergies descendantes, comme l'énergie supramentale, comme l'énergie mentale par rapport à la masse psychologique, donc astrale, l'énergie descendante est une énergie qui va tendre à empêcher une évolution. Elle est descendante de par sa nature. L'énergie ascendante, donc l'énergie évolutionnaire, elle va tendre à pousser l'énergie descendante à revirer de bord et à augmenter. Alors, ce qui arrive présentement, c'est que dans l'individu, on a différentes formes d'énergie qui vont se rencontrer. Ces énergies-là ne sont pas du cadre de la psychologie de masse planétaire. Elles sont du cadre d'une psychologie nouvelle, donc d'une psychologie, d'une suprapsychologie, d'une psychologie supramentale, c'est-à-dire d'une connaissance supérieure à l'énergie mentale de l'homme. L'énergie mentale de l'homme poussée à son plus haut point, donc identifiée quand elle sait elle-même qu'elle existe, personnalisée quand elle peut fonctionner à partir de ses propres structures internes, donc plus dépendantes, donc plus manipulées par la structure de la masse. Cette énergie-là, elle va pouvoir entrer en contact avec une énergie supramentale, donc supérieure au mental, pour amener dans la psychologie astrale de l'homme une psychologie nouvelle, donc pour opérer une psychomutation, une mutation de la psychologie. Cet homme-là, ou cette femme-là, devra donc, à l'instant même, exprimer une suprapsychologie, une psychologie nouvelle, supérieure à la psychologie conventionnelle. Le problème, c'est que d'exprimer une chose nouvelle dans un vieux cadre amène le vieux cadre à se cristalliser, à se crisper et à briser, ou amène le vieux cadre à vouloir détruire la chose nouvelle, ce qui est normal. Avec les jeunes en ce moment. Exactement. Maintenant, le problème même, l'état de choc vécu par la race humaine occidentale, donc la race humaine possédant une faculté mentale, une race qui est capable de devenir écologique dans le sens profond, dans le sens global et total du terme, voire avoir une écologie psychologique, donc la seule race qui est capable présentement de pouvoir envisager les conséquences de ses actions, c'est une race qui a une capacité mentale, donc logique, non colorée par les émotions, donc une faculté pour pouvoir justement réellement instaurer ou exprimer l'énergie intentionnelle, l'énergie créatrice dans le plan matériel. Je fais quelque chose et je sais toutes les conséquences que ça va amener à long et à court terme. Je le fais parce que c'est intelligent de le faire. Je ne le fais pas parce que ça me plaît. Je ne le fais pas parce que ça me tente. Je ne le fais pas parce que ça me sécurise. Parce que pour me sécuriser, je peux lancer des bombes nucléaires. Pour me sécuriser, je peux me promener avec un grand couteau sur moi. Et si un jour une personne que je catalogue comme étant le moindrement suspect m'accoste, je peux la tuer. Et je deviens un criminel parce que j'ai tué une personne innocente. J'ai connu un individu, moi, qui avait suffisamment peur. Il avait emprunté de l'argent et à un moment donné, la personne qui lui avait prêté le téléphone, il lui dit qu'elle vient pour régler ses comptes. Et c'est dans des domaines, disons, pas tellement légaux. Alors, ce qui va arriver, c'est que notre individu a eu tellement peur qu'il a préparé son 12. Et il s'est assis, puis là, il attendait l'autre. À un moment donné, il a entendu du bruit dehors. Il a tiré à travers la fenêtre. Et présentement, il est en cours pour meurtre, le meurtre d'une personne qui faisait du jogging, qui passait sur le trottoir. Alors, ce qui arrive, vois-tu, c'est que tu exprimes ta psychologie à partir de désirs, de craintes, de peur pour assouvir une sécurité ou encore un besoin. Tout, de toute façon, revient à la sécurité pour pouvoir brimer la peur fondamentale chez l'homme. Peur que ce que tu désires n'arrive pas et ce que tu ne veux pas arrive. Tu as des désirs, tu as peur. Bon. Alors, cette peur-là, tu l'exprimes. Et si on veut continuer à exprimer notre phénomène intelligent, notre intellect, soumis à notre psychologie, on ne peut pas faire autrement que d'aller vers un chaos. Mais ce chaos-là n'est pas le choc. Le choc, c'est quoi le choc? Le choc de la psychologie ou même le choc de l'évolution de l'homme, c'est simplement que la nouvelle énergie qui descend chez l'homme, quel que soit l'homme, un homme psychologique reçoit l'énergie d'une intelligence intellectuelle. Si on regarde, par exemple, les Pijanjara ou n'importe quel genre de personnalité qui sont encore, disons, animales, des individus qui sont tribales, qui vivent dans des régions non colonisées, non civilisées, au contact de notre civilisation, ils ont le choc du futur. Mais ce choc du futur-là, ce n'est pas parce que c'est le futur, c'est le présent. C'est simplement le choc entre leur énergie psychologique, spirituelle au plus haut point, hein, une énergie de croyance globale en différentes divinités, en différents processus de cause et d'effet. Et cette psychologie-là doit faire face soudainement à une énergie vibratoire, et c'est l'important, une énergie vibratoire. C'est pas nécessaire de comprendre, elle est vibratoire. Une énergie vibratoire du corps mental naissant, de l'intellect, des nouvelles personnes qui viennent civiliser. Ce n'est pas parce qu'un hélicoptère atterrit dans ma cour et que j'en ai jamais vu que c'est ça qui va me bouleverser. C'est le contact, pas avec le dieu mécanique, avec la vibration donnée par les dieux vivants humains. C'est ce contact vibratoire-là qui me perturbe. C'est lui qui va hanter mon sommeil. C'est lui qui va hanter mes décisions. C'est lui qui va tout transformer parce que ce contact vibratoire-là étant tellement puissant, je deviens donc assujetti à la manipulation de ma propre psychologie mêlée à cette nouvelle découverte vibratoire-là et je deviens assujetti au choc. Ce choc-là va amener un million de petits chocs qui peuvent paraître pour l'individu immenses. Mais le choc important, c'est pas le choc d'un individu. Parce que le choc d'un individu qui vient de perdre son chat est aussi important que l'individu qui vient de perdre sa famille. Dépendant de l'importance qu'il attachait, lui, à l'objet. Ce choc-là est relié au choc de l'évolution. Le choc de l'évolution, c'est l'énergie vibratoire qui descend chez l'homme. Ce contact vibratoire-là va amener à l'être humain des possibilités d'identification suprême. Et c'est ça, le choc. L'identification suprême que tu as, toi, de toi. Mais de toi par rapport à ce que l'extérieur t'amène. Donc, tu n'as pas de conscience absolue. Tu n'as pas de conscience qui est capable de savoir qu'elle est consciente de par elle-même. Une conscience qui est capable de connaître la réalité et de s'exprimer dans une réalité intemporelle. Tu as présentement une conscience de toi à partir de ce que l'extérieur t'amène. Extérieur, qu'il soit visuel, donc qu'il soit sensitif, qu'il soit vibratoire, psychologique ou intellectuel ou mental. Tu as, et c'est ça le gros choc chez l'homme, l'homme doit arriver à s'identifier de plus en plus pour pouvoir se libérer de la manipulation de l'extérieur. Donc, de la manipulation de la masse. Mais cette identification-là amène l'homme à refuser l'étude des conséquences de sa propre expressivité dans l'entourage extérieur. Alors, ce qui fait qu'on bâtit des êtres d'involution au lieu de bâtir des êtres d'évolution. Quel est le dicton populaire chez nos jeunes? C'est pas de ma faute, hein? Et puis, ça me tente pas. Bon. Alors, si j'ai brisé quelque chose, j'ai eu un accident avec ton char, j'ai brisé ton fusil, j'ai créé une chicane, j'ai fait n'importe quoi, c'est pas de ma faute. Tu me comprends pas. Je te demande de me prêter ton auto, de me donner 10 piastres, mettre de l'essence dedans, de me donner 20 piastres, puis de me laisser en paix. C'est tout. On va bien s'entendre. Il n'y a rien là. Je m'en vais avec le char, j'arrive, j'ai un accident. Mais, abroye parce que sa porte est poquée. Faut-tu être niaiseux, un matérialiste au bout? Bon, puis arrête de crier. Quand je veux ton char, tu me le prêtes. Quand je veux de la bouffe, tu me le donnes. Puis tu fermes ta grande boîte, puis on va bien s'entendre. Christy, il n'y a rien de compliqué là. Bon, si je veux fumer, je fume. Ça, c'est un choc. Oui, pour le parent, pas pour le jeune. Mais le jeune, il va le vivre, son choc. Mais c'est pas de sa faute. Tu lui demandes de faire certains travaux, ils sont mal faits, il a pas eu le temps. Mais c'est pas de sa faute. Bon, puis si tu veux pas comprendre ça, ben qu'est-ce que je te dis de plus? C'est pas de sa faute. Puis le problème, c'est que c'est vrai que c'est pas de sa faute. Parce que lui est rendu à un mental suffisamment puissant pour ne pas être assujetti à la culpabilité, donc à la manipulation éducative que tu peux opérer chez lui. Mais il y a un mental insuffisamment intelligent pour pouvoir se libérer de la culpabilisation de l'astral. Et ça, faut bien voir là l'utilité salvatrice de l'astral, de la psychologie émotive. Parce que si moi, je me fous que tu meurs, alors je me fous que tu meurs. Je ne souffre pas. C'est vrai, et c'est intelligemment intelligent si tu meurs d'un accident de char ou si tu meurs de ta belle mort. Mais pas si tu meurs pour la simple raison que ton collier, je le trouvais beau, je voulais l'avoir, je ne pas me le donner, je te tue, je prends le collier. C'est pas grave que tu sois morte. Mais ce qui est amusant, c'est que c'est la même énergie intelligente du mental qui va opérer ces deux situations-là. Et il n'y a aucun individu qui est capable présentement, dans cette énergie intelligente, de savoir s'il ne te tuera pas à un moment donné. Parce que présentement, il ne fait qu'exprimer le fait que c'est pas grave, le fait que tu comprends pas, puis lui n'est pas soumis à ça. Mais cet individu-là, il est correct présentement. C'est un jeune qui est pacifique. Mais c'est un jeune qui va tuer n'importe quand pareil. Mais présentement, il ne le sait pas. Parce que son mental est encore assujetti à une moralité. Il n'est pas suffisamment individualisé pour être libéré de la manipulation morale de la planète, de la masse. Mais il tend à s'individualiser. Et une fois individualisé, cet enfant du Verseau-là n'est pas un surhomme, c'est un sur-ennemi. C'est un sur-danger. Pourquoi? Parce qu'il est dans une phase où l'énergie qui descend va permettre, et c'est là le choc, permettre l'identification nécessaire, mais périlleuse, de la psychologie égoïque, donc de l'astral égoïque, et de cette énergie mentale qui commence à se diriger vers la personnalisation. Ces individus-là, et ça, ça va être l'état de la masse. De la masse en conscientisation. Et cette masse conscientisée, non seulement va souffrir des états pathologiques physiques, des états pathologiques psychologiques, des états pathologiques mentales, hein, mais elle va souffrir surtout un état non souffrant pour l'être qui est en choc. L'état de choc monstrueux vers lequel l'humanité s'en va, et c'est normal qu'elle se dirige vers ça, elle n'a pas le choix, cet état de choc a comme monstruosité le fait que l'individu même qui va vivre ce choc réel ne le saura pas. Pourquoi qu'il ne le saura pas? Parce qu'il ne souffrira pas ce choc. Il va souffrir un contingent psychologique normal, et pour ne pas souffrir cette expressivité de sa psychologie, il se servira de l'énergie mentale personnalisée, de l'énergie mentale salvatrice pour lui, pour pouvoir régler le phénomène de la souffrance psychologique. Alors, automatiquement, il se détachera de tout ce qui peut le faire souffrir. Et ce détachement prôné par l'évolution religieuse, morale, philosophique ou scolaire des écoles ésotériques ou initiatiques, ce détachement est un danger extraordinaire. Pourquoi? Parce que à l'époque où la psychologie de masse était suffisamment puissante, où l'astral était suffisamment énergisé pour pouvoir manipuler la masse, tu pouvais te permettre un détachement qui n'était pas dangereux parce que tu étais assujetti à la psychologie planétaire suffisamment longtemps pour que même personnalisé, que tu ne deviennes pas un danger. Et quand tu arrivais à te détacher de l'énergie manipulatrice de l'astral planétaire, tu avais suffisamment d'énergie mentale pour t'en détacher, donc suffisamment pour tomber directement dans la phase de contrôle de ton mental. Donc là, tu pouvais réellement connaître, prendre conscience des conséquences de tout, non seulement tes actes, mais de tous les actes commis ou causés par une manipulation évolutive planétaire. Tu étais conscient de ce qui se passait réellement sur la planète. Autant dans le plan politique, dans le plan